C'est super. Bon, bah, c'est super. Voilà, on est très contente. Ouais. Allez, oui. Je passe le. C'est bon, suffit. Hop, c'est à propos du travail de Vanessa Rossetto. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voyons, est-ce que ça marche, ça? Tu t'appelles comment? Tim. Toi? Nour. Nour? Chantez. Je peux voir. Et t'entends le son? Il y a que des fourmis qui chantent. Des fourmis qui chantent? Oui. Je sais pas. Peut-être. Tu crois que ça chante, les fourmis? Oui. Ouais? Oui. Elles chanteraient comment? C'est lui qui a ouvert l'œuf. C'est lui qui a ouvert l'œuf. Je sais pas qui est-ce qui a ouvert l'œuf. Mais la personne qui a fait ce son, là, elle s'appelle Vanessa Rossetto. Je veux voir quelqu'un là comme instrument. Bah, écoute bien. Écoute ce que c'est. C'est un agneau qui est pas mort. Mais toi, tu parles toujours que des agneaux, toi. Il y a plein de choses qui te font penser à des agneaux. Regarde, écoute bien. Ça fait penser à un renard. Pourquoi? Ouais, c'est quoi? On dirait un peu genre comme un animal qui marche dans l'herbe. Pourtant, ça, c'est comme des pas. Des pas. Oh, je vais interdire. C'est ça la musique qu'on écoute. Ah, bah là, ça l'a. Ça j'ai l'a une autre histoire. J'ai une autre chanson. Trop bien. Mais tu vois, c'est pas vraiment des instruments de musique comme les guitares et tout. C'est des enregistrements de ce qui se passe dehors ou. Tu comprends? Quoi? Je comprends. Tu t'en fiches un peu? Regarde ce que tu fais. Tu vas pas tomber. Tu fais vachement bien de l'escalade de canapé. Hein. Tu veux voir ce que je fais? Bon, mais du coup, tu t'en fiches un petit peu, chat? Oui. Je m'en fiche un petit peu. Ok. Et voilà.